tenderly. If words could speak, your soul would know how strong a love could be. Ça ne mouvait haut. Connard, j'achève le rythme, triste étude, j'mélange mille textures. Faut que la mixtape tue comme la cassette The Ring. J'fonce tel un satellite, approchant des étoiles, pété de poids. J'viens ça délire, à mon grand désespoir. Pris en otage, diplôme, j'attends le négociateur. Brillant mon rap, petit con, j'balance, l'ego chatrunk. Mal luné, j'écris des phases funestes. Il fallait que j'lâche du lest avant l'arrêt vasculaire, j'commence à peine. Les potons roulent tels des automates, j'laisse des gros dommages comme hors sa veste sur les autoroutes. Gros, j'veux le repas de ministre, mais la picole brise mes ailes. Ami d'or, j'suis des Z, faut que j'me pointe à l'heure fatidique. J'suis pas minuit devant quand il croche chaga. En vrai, j'me paie les couilles comme un inuit quand il cause la glace. L'esprit, j'ai frite en sang, j'gratte des couplets de barge. Tout est noir depuis que cette vitre enchante m'a découpé le crâne. N'est pas de peine si c'est la merde. C'est la même partout. Un pilon de zèbre, la haie sans berne. Si on s'éteint comme une étoile, c'est que la haine cartouche. N'est pas de peine si c'est la merde. D'où tu viens ou qui tu sois, c'est la même partout. Un pilon de zèbre, la haie sans berne. Si on s'éteint comme une étoile, c'est que la haine cartouche. Les années passent et chaque minute produit son raz-de-marée. Au lieu que ce soit des tronches, faudrait que certaines paroles soient ravalées. Réfacé, je connais ça, je disparais comme à Odessa. J'ai pas la tête en l'air, c'est juste que je flirte avec les astres. On s'enrichit nos fautes, pourtant je vois pas le train de déchanger. Pas de sèche d'aspi, ça roule à niaque, c'est une grosse latte pour tout vidanger. Je vais faire un break, ma gueule, pourtant je sais pas du tout danser. Censé faire du mieux, je peux, j'attends qu'on me jette sur ma lancée. Pensez, on m'a dit qu'il faut pas trop, faut être un salarié modèle, être dans les cases devant le patron. Plus on vieillit, plus on voit nos petites santé vaciller. Dépenser par le cipier, pendant que des vices vont sauter sans pitié. Pour te faire sortir le mot de schiste, attends tes chimistes en herbe. Fais genre ça va, mais t'en chie. Fait que pour être simpliste dans le verre. J'prends personne à partie, j'suis parti de ce qu'on appelle personne. Un mec qui triture nos vies, une mélodie qui passionne. N'est pas de peine si c'est la merde. D'où tu viens ou qui tu sois, c'est la même partout. Un pilon de zèbre, la haie sans berne. Si on s'éteint comme une étoile, c'est que la haine cartouche. N'est pas de peine si c'est la merde. Qui tu sois, c'est la même partout. Un pilon de zèbre, la haie s'enferme. Si on s'éteint comme une étoile, c'est que la haine cartouche.